C'est là, FTT, MMS, LDO, RM, 6-7, salope. Dernier gros, j'ai la recette. Dernier gros, j'ai la recette. Cette étoile, j'ai la recette. Dernier gros, j'ai la recette. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Tous mes négros ont la recette. Tous ces négros veulent la recette. Madame négro, j'ai la recette. Chef étoilé, j'ai la recette. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Tous mes négros ont la recette. Tous ces négros veulent la recette. Gardien négro, j'ai la recette. Dans la cuisine comme Cyril. Enfant iPhone comme Cyril. Fris Corleone négro, je pesais comme Cyril. Annuellement, mensuellement, quotidiennement, sans stress aucun, on les fouette. De ouf, à mon pire ennemi, mourir dans un accident avec sa famille, je lui souhaite. De ouf, moi je peux te faire faire un malaise. Tu roules un petit, je roule un balèze. Plus de fond, fuck cette merde, défraqué à l'huile négro, je découpe comme sous l'un à l'aise. Fuck le rap game, fuck les faux bitches. 667 LDO sur les sauts bitch. Indépendant comme Zesso bitch. Les sons de la sec dans le vaisseau bitch. Bitch, tu veux rapper, j'espère que t'es à jour dans tes révisions. SO à la mafia pour les décisions. Négro j'ai vite sillon quand j'ai des visions. Très loin de toi tu me vois en retard négro comme une étoile. J'arrive chez moi comme une grétoile. Shenzhen sur les prods comme sur des toiles. Équipe, gardien négro j'ai la recette. Chef étoilé, j'ai la recette. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Tous mes négros ont la recette. Tous ces négros veulent la recette. Madame négro, j'ai la recette. Négro, j'ai la recette. Chef étoilé, j'ai la recette. Négro, j'ai la recette. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Tous mes négros ont la recette. Tous ces négros veulent la recette. Madame négro, j'ai la recette. J'ai la recette. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je te donne la recette? Mes négros ont la recette. Tous ces négros veulent la recette.